gagné sa vie dans des cafés, à parler plus fort que l'alcool, pousser son blues dans la fumée, c'est trop souvent parler tout seul. Quêter des applaudissements, à s'ouvrir le ventre au grand jour. Ça prend un fou ou un enfant, ou peut-être un joueur de tour. Raconter à tous qu'on a peur, qu'on a connu la solitude. Chante pour ne pas crier et qu'on craint surtout l'habitude. Recommencer soir après soir à chercher les chemins du cœur. Vouloir toujours aller plus loin avant que la passion ne meure. Pas très sérieux, les musiciens disent jouer. Se prendre pour un amuseur en rêvant de faire vibrer. Avoir des nœuds plein l'estomac, se demander si ça ira. Si le public a du talent, si le contact s'établira. Lancer la première chanson avec des gestes de semeur. Guetter la moindre approbation tandis que l'angoisse se meurt. Devenir chauffeur d'autobus, emmener la salle en voyage, au pays de l'imaginaire, de l'inimaginable image. Passer du pays de l'enfance à celui des arbres qui chantent. Effleurer la mélancolie dans des rêveries enivrantes. Revenir dans le quotidien en fredonnant un petit air. Saluer tous les passagers, seuls dans le terminus désert. Gagner sa vie dans des cafés, à parler plus fort que l'alcool. Pousser son blues dans la fumée, c'est trop souvent parler tout seul. Quêter des applaudissements, à s'ouvrir le ventre au grand jour. Ça prend un fou ou un enfant, ou peut-être un joueur de tout. un joueur de tour.